enragé. Jeune et innocent, mais mentalité âgée, engrainée dans sa routine de banlieusard. Il pensait que les intellos étaient seulement dans les beaux-arts. Faute grave, il se met à bicraft de la weed. Cette solution facile qui ne laisse pas le frigo vide. Ses parents savaient tout, mais fermer les paupières. Comment cracher dans la soupe alors que c'est Coluche qui te nourrit. Il prend de l'ampleur dans le check, son business prospère. DTR, il botterait le cul à Chuck Norris. Bref, ce type est borné, morné, bordel. Il vole même les valises dans les hôtels. Insatisfait, il veut tout tout de suite. Pas le temps de penser à des graphes et des soutifs. Il s'enfonce dans la mouise aveuglé. Même toi tu vois son destin pré-tracé. C'est l'histoire d'un petit mec de quartier qui voulait s'en sortir, même dans la casse sans avenir. On disait qu'il était trop déterminé. Le manque d'argent le fait pâlir, donc magouille sur le palier. Fin de soirée, arrosé, il rentre à son domicile. 4 heures du mat et pour s'endormir roule un spliff. Ce qu'il ne sait pas, c'est que 2 heures plus tard, c'est les keufs qui le soulèveront de son plumard. Menotté, secoué, choqué, il se met à dégueuler. Sentiment amer quand il voit sa mère pleurer. Il découvre ses plaquettes, sa weed et ses liasses. Ils embarquent tout et direction le commissariat. Il avoue tout évidemment devant cette évidence. Quand la souris est piégée, c'est le chat qui danse. Les regrets font surface, mais c'est trop tard. Sa routine se résume à promenade et parloir. Il reçoit des lettres bien sûr la première année. Le temps passé, son moral est dans ses chaussettes. Il apprend la mort de son père et c'est le coup de grâce. Plus personne reconnaîtra ce petit gars. C'est l'histoire d'un